C'est une histoire de bouffon, de vacherin, de calisson. Ça n'est qu'un conte ordinaire, alimentaire. Y'avait un bœuf miroton qui regrettait ses rognons, rêvant de bis et carmen. Il pleurait comme une madeleine. Les olé des taurillons, les moqueries, les rions n'étaient que mou caramel pour si frustré sans la belle. Heureusement des jambons, des pot-au-feu, potirons le soutenait dans l'arène pour que taureau il devienne. Qu'est-ce que tu chantes là? On va pas écouter ça. Vraiment n'importe de quoi. Le gentil fil est mignon, lui dit qu'un bœuf bourguignon honoré de belle ménagère, grâce à son vétérinaire, va-t'en y voir, gros cochon, qui en a marre des lardons. Pour une pomme, pomme de terre, négocie-lui ses affaires, greffé comme un étalon. Tu bourreras les oignons de toutes les bonnes laitières qui veulent s'envoyer. Et en l'air, Miroton retint l'option. Il prit le plus gros saucisson et le premier bout d'un qui traîne, il le boucha à la reine. Qu'est-ce que tu chantes là? On va pas gober tout ça. C'est vraiment n'importe de quoi. Il s'en suivit gestation, puis naquit plein l'hexagon. Élémentaire, mi porc, mi bœuf et misère, tous s'empiffera l'unisson. Chez Miroton, patachon, si on n'aime pas leur vaisselle, ils nous éclatent la cervelle. Médias, sondages d'opinion nous rince à fond cabochon. Et le toquet qu'on nous sert, c'est de la pire qu'est amère. Il y eut le film Napoléon, Giscard et l'accordéon, Mitran, Chirac et leur bière, maintenant Sarko en concert. Qu'est-ce que tu chantes là? On n'a pas voté pour ça. C'est vraiment n'importe de quoi. Nous, on veut du chaud cola. On veut pas se niquer.